d'introduire un petit rappel sur la bactérie du système LAMA. Et puis parmi toutes les affections de LAMA, on ne peut pas voir tout, ce n'est pas possible. Et nous allons faire le zoom, le point, sur deux affections. C'est les affections les plus importantes, les plus fréquentes, et sur lesquelles vous n'avez pas le droit de passer à côté en tant que futur médecin généraliste. Alors c'est le manami et c'est le flegmon de LAMA. Il faut savoir que LAMA est ainsi particulièrement propice à l'infection. Je m'arrête là au mot propice à l'infection. Pourquoi LAMA? Pourquoi pas les pieds? Pourquoi pas la tête? Pourquoi pas le cloche ou le dos? Pourquoi pas le dos? Pourquoi pas l'abdomen? C'est-à-dire que l'infection, pardon? On l'utilise plus que. Bah écoutez, je suis en train de parler. Voilà. Je croyais que vous avez. Non, je n'ai pas posé la question, j'anticipe. Alors, on a dit, si on dit que LAMA est ainsi particulièrement propice à l'infection, c'est-à-dire qu'il est accueillant à l'infection. D'ailleurs, on se pose la question, pourquoi on se fait toute une teinte? Pourquoi on se fait tout un cours sur la main? Parce que les infections existent partout. On peut faire une infection partout. On peut la faire au niveau du pied, au niveau du genou, la cuisse, la fesse, tout. Mais là, on fait infection de la main. Pourquoi spécialement ça? Premièrement, parce que la main, elle est particulièrement propice et on va voir pourquoi elle est propice. Ça viendra dans mon rappel. Et puis, les infections au niveau de la main ont des conséquences particulièrement graves et sur la main, et sur le membre, et sur la vie humaine. Vous allez comprendre le pourquoi de la chose. Alors, les tableaux cliniques et bactériologiques sont très variés, allant de la simple panarie à la facile nécrose. Le panarie, c'est le petit bobo de tous les jours. Peut-être vous en avez eu toutes et tous, et vous ne l'avez pas connu, c'est tout. Alors, c'est le simple panarie que vous pouvez traiter peut-être un petit lavage au sérum. Mais si ce panarie évolue mal, ça va être une facile nécrosante. La facile nécrosante, c'est-à-dire vous perdez le membre, c'est-à-dire que vous avez la nécrose de la peau, la sous-peau, la graisse, la vascularisation, tout. Nous allons voir par la suite c'est quoi une fascite nécrosante et comment un simple panarie peut évoluer et une fascite nécrosante étendue, elle peut tuer. Donc, vous voyez que d'un simple rien, d'un simple petit bobo, on peut se perdre dans la nature. Alors, le pronostic il peut devenir redoutable, c'est ce que je disais, et bien sûr tout est conditionné par la connaissance de la pathologie, la connaissance de ces petits bobos qu'on néglige, qu'on a tendance à les connaître et à négliger, et bien sûr connaître comment la manière et la méthode correcte avec laquelle on traite pour ne pas en arriver là. Alors là, c'est le rappel. Là, on revient un petit peu à la notion, cette histoire de propice à l'infection. Propice, c'est-à-dire elle est agréable pour les bactéries. Les bactéries adorent la main parce que lorsqu'ils sont là, ils ont tout ce qu'il faut pour se développer. On va comprendre le pourquoi. Le revêtement cutané, au niveau de la main tout particulièrement, il a deux fonctions. Il a deux fonctions et ces deux fonctions elles sont un petit peu paradoxales. Il y a la fonction qui fait barrière aux germes, c'est tout à fait normal parce que tout le corps humain il doit faire barrière aux germes. C'est quand même la première barrière. Après la peau viendra autre chose, viendra les anticorps, viendra. Mais la peau c'est quand même la première barrière qui doit offenser la venue et l'afflux des germes. Ça c'est une fonction de tout revêtement cutané, c'est clair. Au niveau de la main, il y a une autre fonction qui est quand même paradoxale, c'est qu'elle est accueillante aux germes. Ce n'est pas de sa faute. Pourquoi elle est accueillante aux germes? C'est parce qu'il y a pas mal de conditions au niveau de la main qui font qu'elle soit accueillante. Au niveau de la main, déjà, vous voyez bien, vous constatez que la peau de la paume de la main, elle est différente de la peau du dos de la main. Elle est épaisse. Vous ne risquez pas de voir un poil au niveau de la peau de la paume. Tout comme la plante du pied, c'est pareil. C'est une peau qui cicatrise mal. Elle est pleine de plis. C'est des plis de flexion. Ces plis n'arrangent pas les choses. Ces plis, pour un germe microscopique, c'est un abri. C'est là où il se cache pour se développer. Parce qu'on n'a pas de plis sur la face dorsale, elle est mieux, elle n'est pas accueillante au germe. C'est parce qu'on a des plis au niveau de la face palmaire, ces plis sont des abris pour les germes. C'est déjà un premier point qui fait que la main soit accueillante au germe. Autre chose, vous avez les commissures. Au niveau des doigts, ça aussi, c'est pas des abris, mais c'est des châteaux par rapport aux germes. Alors, lui, au niveau de la main, c'est quoi? C'est qu'elle est tout le temps chaude et moite. D'accord? Alors, la chaleur et la moiteur, elle est toujours humide. Enfin, toujours non, mais elle a tendance à être humide. Quand on commence à suer, on commence par suer au niveau de la main. Peut-être on ne sue pas, mais on a les mains moites. On a les mains chaudes. Donc, la chaleur, la moiteur, tous ces plis, tous ces abris font que le germe, lorsqu'il est là, il a toutes les conditions favorables pour se développer. Vous êtes d'accord avec moi? Raison pour laquelle on dit que la main particulière particulièrement par rapport à tout corps humain, elle est propice à l'infection. C'est-à-dire, si infection il y a, elle a toutes les chances de se développer au niveau de la main. OK ? Alors, maintenant, on va parler des germes. Les germes, écoutez, la main, elle se balade partout, hein, excusez-moi, mais elle se balade partout. Donc, on ramasse tous les germes possibles et imaginables. OK ? Il faut faire la différence entre le type de germe qui peut exister au niveau de la peau et de manière générale au niveau de la peau, de manière particulière au niveau de la main. Il faut reconnaître les germes saprophytes. C'est des germes qui résident dans la peau. Le mot saprophyte, j'imagine que vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà rencontré. Vous êtes en cinquième année, vous avez fait la quatrième année, vous avez fait la flexure. Vous avez parlé des germes saprophytes que nous avons au niveau de nos intestins. Ce sont des germes, oui. On a l'impression que ce sont nos ennemis, mais en fait, ce n'est pas le cas. Ce sont nos amis, ils sont saprophytes, ils résident, ils sont là, ils résident dans la peau, dans les intestins, ils nous rendent service. C'est eux qui phagocytent. C'est les germes saprophytes, d'accord. Et s'ils ne sont pas là, on a une petite diminution de l'immunité. Je vous donne un exemple. Ça vous arrive de prendre un antibiotique pour quoi que ce soit, ça vous donne une diarrhée. Un antibiotique pour une oncologie, pour une angine, ça vous donne une diarrhée. Bon, expliquez-moi. Tout simplement, cet antibiotique, il a tué les germes saprophytes de vos intestins. Et ça vous a fait une diarrhée. Vous voyez, donc ces germes saprophytes étaient là, ils avaient tout de même un rôle protecteur, ils avaient un rôle d'équilibre, etc. Lorsqu'ils ne sont pas là, là est la catastrophe. Et bien c'est pareil au niveau de la peau, au niveau de la main, ces germes saprophytes, et particulièrement on parle du staphylocoque blanc. Le staph blanc, c'est notre ami, ce n'est pas notre ami. Les autres staphs, oui, il y a le doré, il y a les autres germes, ok, mais le staph blanc, c'est notre ami. Doit être là. Et s'il n'est pas là, on a une petite diminution de cette barrière et de ce bouclier par rapport aux germes. Les autres germes transitaires, c'est-à-dire qui viennent, qui foutent la pagaille et puis qui partent, les générateurs de friction, c'est les germes transitaires. Alors là, on a tous les germes possibles et imaginables à compter du staphylocoque. Pourquoi j'ai mis le staph doré? Parce qu'il s'appelle staph. Mais c'est le doré, c'est pas le blanc. Et puis, mis à part ça, vous avez les entérobactères, les grammes positifs, les grammes négatifs, tout tralala des germes que vous connaissez, vous pouvez les retrouver, ils peuvent s'abriter au niveau de la main et peuvent vous donner une infection. Alors, ces germes-là, bien sûr, les transitaires, c'est-à-dire les germes qui font l'infection, ils se développent de préférence dans les régions de la main, les commissures, les plis, la pomme, etc. C'est-à-dire, ils sont là, ils s'abritent, ils se mettent au niveau de la commission, au niveau des plis. Quand vous lavez la main, vous ne frottez pas bien comme il se doit, vous la lavez comme ça superficiellement, le germe reste toujours là parce qu'il s'abrite au niveau du pli, il s'abrite au niveau de la commission, etc. Autrement dit, un germe au niveau du bras, ça risque pas parce qu'il suffit que l'eau coule et c'est parti, parce qu'il n'a pas où s'abriter. Vous voyez, qu'est-ce qui fait que la main soit propice à l'infection? Voilà. Alors, bon, ça, c'est ce qu'il fallait rappeler, on n'a pas besoin d'un grand rappel anatomique, c'est juste à voir c'est quoi comme germe, l'écosystème, pourquoi la main est propice, etc. Puis on va démarrer dans le fond du cours. Maintenant, on va voir c'est quoi cette histoire d'infection et quelles sont les deux infections qui nous intéressent et qui nous intéressent le plus. On va parler du panaris, on va parler du fond. À commencer par le panaris. D'abord, il faut savoir que c'est une infection primitive, déjà. C'est-à-dire que cette infection ne vient pas d'ailleurs. Elle est là, le germe s'est localisé là, il nous a donné une infection ici. Parce que lorsque l'infection elle est secondaire, c'est-à-dire que le foyer d'infection primaire il est ailleurs, par voie sanguine, par contiguïté, par voie lymphatique, par tout ce que vous voulez, cette infection se propage et vient ailleurs. Ça s'appelle une infection secondaire. Lorsqu'elle est primitive, c'est-à-dire là où le germe a fait sa localité, c'est là où il y a l'infection. Vous suivez. Alors c'est une infection primitive aiguë des parties de la noix. Elle ne touche pas l'os, elle ne touche pas le tendon. Elle ne touche rien en profondeur, elle est là, elle est superficielle, elle est primitive, c'est un germe qui vient, qui se localise de préférence autour de l'ongle. Il adore l'extrémité du doigt, mais bon, il peut se localiser ailleurs. Mais généralement, la plupart du temps, il va autour de l'ongle. Suite à une petite piqûre, à une petite plaie, le germe vient là, il fait ce panaris. Le point d'entrée, il est souvent minime, on ne le voit pas, c'est des petites piqûres de rien du tout que vous négligez, vous ne sentez même pas, mais après, c'est l'infection qui vous fait sentir le problème. Alors, la localisation, on a dit que c'est souvent au bord de l'angle, mais peut se localiser ailleurs. Exceptionnellement, et la plupart du temps, le panaris, il est connu par sa localisation qui est autour de l'angle. Alors, vous voyez l'image, je suis sûre qu'en moins une fois, vous l'avez fait vous-même d'être dans votre entourage, cette petite infection au niveau de l'angle, cette rougeur, cette douleur qui peut-être a pu disparaître spontanément suite tu as peut-être un petit peu de gel, un petit peu de froid, ou un antiseptique, et ça a disparu, normalement du moins. Ou encore, ça s'est développé, il a fallu que vous incisiez cet abcès, vous évacuiez le pus pour que les choses redressent. Mais j'imagine que vous tous, vous avez vu déjà cette plaie-là au niveau tout de l'angle, et ça s'appelle tout simplement palarie. Alors, palarie, je m'arrête, j'ouvre une parenthèse. La palarie, c'est au singulier, ça prend un S, mais le S ne se prononce pas, c'est un S muet. Donc, ça s'écrit avec un S, mais ça se prononce palarie, c'est pas palaris. D'accord? Parce qu'après tout, des fautes linguistiques, c'est pas très judicat pour vous. Alors, la localisation, on a dit que c'est plus souvent autour de l'angle. Et puis, le diagnostic précoce, plus le diagnostic précoce, c'est-à-dire quand on reconnaît que c'est un palarie, il y a des mesures à faire. On ne dépasse pas le stade de la rougeur. On arrivera même à l'abcédation quand on reconnaît, parce qu'il y a, vous allez voir dans le traitement, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas arriver à un abcès, pour ne pas arriver à une petite incision chirurgicale. Alors, les stades évolutifs, c'est une infection, elle est bonne. Alors, l'évolution de l'infection, vous la connaissez, c'est l'évolution de l'infection que vous avez vue en troisième année à la sémiologie. Ah, d'accord. Vous avez une inoculation, l'inoculation est suivie par une inflammation, après l'inflammation, c'est la suppuration, et puis ça viendra, si vous traitez bien sûr, vous allez avoir le phénomène de cicatrisation, etc. etc. Mais ça commence par une inoculation. L'inoculation, c'est quoi? C'est-à-dire le germe est là, tout simplement. Vous avez eu une plaie. Vous êtes fait blesser par la pointe du couteau ou par une piqûre d'insecte. Ce n'est pas une infection, c'est une blessure. C'est une plaie, elle n'est pas infectée. À partir du moment où le germe se met dedans, ça devient inoculation. Parce que c'est bon, elle est colonisée par un germe. Alors, le stade d'inoculation, on ne le sent pas. Parce qu'il n'y a rien. Symptomatiquement, il n'y a rien. Il y a juste un germe qui est là, il se prépare. Il se prépare à faire la fête. Mais pour le moment, l'inoculation, il n'y a rien. Il est là. C'est des signes qui sont discrets, souvent méconnus, parce qu'on n'a rien à partir du moment où on a pas mal, on ne risque pas de sentir quoi que ce soit. Peut-être une petite douleur, mais bon, ce n'est pas évident. Généralement, l'inoculation, elle passe inaperçue. Elle est sourde, elle est cliniquement et symptomatiquement sourde. Une fois les choses évoluent, une fois le germe fait ce qu'il a à faire, c'est le phénomène inflammatoire. Parce qu'il y a de l'agression. Il y a un corps étranger, il y a un germe qui est en train de brûler, et il y a de l'inflammation. Qui dit inflammation dit œdème, dit rougeur, douleur, par définition. Donc à partir du moment où la réaction inflammatoire est là, c'est ce que vous voyez, on revient peut-être à tout à l'heure, ça c'est inflammatoire. Il y a la rougeur, c'est chaud quand vous touchez, et là ça commence à être cliniquement et symptomatiquement expressif parce que c'est chaud, c'est rouge, et ça fait surtout mal. C'est une douleur qui est là, qui est plus subtile. Donc la petite plaie d'hier ou d'avant-hier que vous n'avez même pas remarqué, là maintenant, vous allez la remarquer plus fort que vous parce qu'elle s'explique, elle s'exprime symptomatiquement. Vous avez au minimum une douleur. Après l'inflammation, ça s'aggrave, ça devient la collection, la pigmentation parce que vous n'avez rien fait, vous n'avez pas traité, vous étiez là à la regarder et puis bon, le germe est là à cause de cette pagaille. Et puis vous avez la pigmentation. La pigmentation, c'est-à-dire les polynucléaires, la destruction, tout ce que vous voulez. À partir du moment où il y a pigmentation, les choses deviennent sérieuses. C'est-à-dire qu'il y a une poche, il y a du pus, ça fait plus mal, on risque d'avoir une adénopathie, on risque d'avoir une petite fièvre, on risque... C'est-à-dire que ça commence vraiment à nous gêner. Et là, vous allez voir tout à l'heure qu'arriver à la pigmentation, la stratégie thérapeutique, elle change complètement. Vous allez voir qu'on passe d'un simple bain antiseptique au bistouri, hein. D'accord? Alors, les aspects cliniques. Aspects cliniques, c'est-à-dire ce palarie peut se localiser. Alors, regardez la palarie, les différentes localisations au niveau du doigt, mais gardez en tête que le palarie, il a la particularité, il a dans l'angle, il a la particularité de siéger autour de l'angle, sous l'angle, sur l'angle, autour de l'angle, mais il est là, au niveau de son périmètre. Alors, les trois localisations les plus fréquentes. On a vu sur le schéma, il y en a plusieurs, mais les plus fréquentes, on a le péri et sous-aréal, on a le palarie en bouton de chemise, nous allons voir pourquoi on l'a appelé comme ça, et puis le palarie de la face dorsale du doigt. Alors nous allons voir le palarie péri et sous-aréal, c'est le plus fréquent. Alors regardez le schéma en vert et regardez l'image. C'est ce petit sac de pus juste à côté de l'angle qui fait très très mal. Vous avez une douleur qui vous prend parfois tout le doigt, vous ne pouvez même pas toucher l'angle parce que c'est bon, vous êtes au stade de compression. tension, de pilulation, d'inflammation à son maximum. Et bien sûr, ce qui gère, c'est juste un petit sac de pus qui est là, en péri et sous inguinal, c'est-à-dire à côté de l'ongle, et parfois il s'inclure et il va pratiquement sous l'ongle. Alors, le palari en bouton de chemise, il n'est pas d'emblée en bouton de chemise. D'abord, cette histoire de bouton de chemise, c'est une simulation, j'ai. Pourquoi? Parce que le palari, il commence en péri inguinal ou en sous inguinal. Ça a commencé comme ça. Et c'est un palari qu'on a laissé traîner. Pas traité, on n'a pas évacué le pus. Donc cette inflammation et cette infection, elle a creusé, elle est sortie par la pupe. Et du coup, on se retrouve avec deux palaris, l'un en périinguinal et l'autre, il est sorti à la pupe. Et là, on a simulé ces deux petits sacs de pilules comme si c'était un bouton de chemise, comme si c'était une chemise qu'on a fermée au bouton. Voilà. Et puis, le palari de la face dorsale du doigt, ça, c'est une localisation qui parfois nous induit en erreur. Tellement qu'on voit rarement des palaris loin de l'ongle, qu'on pense à autre chose, mais pas à un palari. Alors qu'un palari, il peut facilement se localiser au niveau loin de l'ongle, on va dire loin de l'ongle. On s'en fout que ce soit à la face dorsale du doigt ou à la face dorsale de la main, mais son sens, c'est qu'elle est loin de l'ongle, chose qui est un peu particulière au palari. Et ce palari-là, il peut se localiser là. Alors, quelle est la particularité? Premièrement, c'est rare, on ne le voit pas souvent, il faut le connaître, on ne peut pas le prendre pour autre chose. Et deuxièmement, le problème c'est que c'est un palari qui se complique par rapport au palari périinguinal. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'ongle est une grosse barrière à l'infection. L'ongle c'est vraiment le bouclier à l'infection. C'est-à-dire que le palari, lorsqu'il est sous-inguinal ou périinguinal, ben, il est là. Même si vous tardez à le traiter, il restera là. Au maximum, il vous donnera un bouton de chemise. Par contre, si ce même palari, avec ce même germe, avec cette même plaie, il se localise ailleurs, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de défense, c'est un palari qui, au bout de quelques heures, il peut facilement évoluer et vous donner un œdème et une infection et un abcès de toute la face dorsale de la main qui peut évoluer secondairement à un flemmement, à une facilité causante, à toutes les complications que nous allons voir par la suite. Mais le palari, lorsqu'il est autour de l'angle, l'angle est là, ne craignez rien, juste il faut le reconnaître et le traiter comme il est. Alors, l'évolution complication, on dit que l'évolution elle est favorable lorsque le traitement est bien conduit, faudra-t-il le reconnaître? Oui, c'est vrai. La cicatrisation est obtenue en quelques semaines, ça prend beaucoup de temps parce qu'il suffit de traiter l'inflammation à son stade ou encore même la pilulation, il suffit d'évacuer les pus et donner une petite antibiothérapie, même en local. Et que les choses rentrent dans l'ordre dans les jours qui suivent. Maintenant, si les choses vont mal, il y aura des complications. Ça ne tarde pas. Alors, les complications sont liées à la propagation de l'infection. L'infection, elle est là, vous ne l'avez pas traitée, elle se propage, elle ne vous attend pas. Parce que l'infection, par définition, c'est quoi? C'est la destruction. Elle est là, elle détruit, elle avance. Et elle détruit tout ce qui vient en face. Un tendon, une aponévrose, un muscle, une articulation, elles sont fous. Elle est là, tant que vous ne l'avez pas traitée, les germes se multiplient, elle vient en force et elle détruit tout ce qui vient en face. Vous allez voir, l'infection se propage au tissu de voisinage. À partir de là, on va déduire les complications. Alors si cette infection, elle se propage à la peau, vous allez voir une fistulisation, vous allez voir un bouton de chemise ou encore une fistulisation à la peau. C'est une complication. Si l'infection, elle se propage à l'os, elle va en profondeur. À l'os, quand il est infecté, c'est quoi? C'est une ostéite. Si elle se propage à l'articulation, si elle est proche de l'articulation, l'infection de l'articulation, c'est quoi? C'est une arthrite. Alors, si ça se propage au tendon, si ça, elle grignote la gaine et elle va vers le tendon, vous allez avoir des flemmements. Les flemmements, c'est la deuxième partie du cours que nous allons voir tout à l'heure. Juste la logique du raisonnement. L'infection est là, quand vous dites la complication de l'infection, et il y a en fait ça. L'infection est là, elle se propage. Elle se propage où? Elle a la peau, elle a l'os, elle a l'articulation, elle a le tendon. Parce qu'en fait, au niveau du doigt, vous n'avez ni muscle ni aponévrose. Vous n'avez rien. Vous avez l'os, le tendon, l'articulation et la peau. Donc voilà les sites où l'infection peut se propager. Et chaque propagation, vous savez, c'est très clair. L'os, c'est l'ostéite, l'articulation, c'est l'arthrite, etc. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le traitement. Pour ne pas en arriver là. Alors, il doit être précoce et rapide, oui, c'est clair. Il diffère selon le stade. Tout à fait. Le traitement du palari au stade d'inflammation, ce n'est pas comme au stade de pilulation. Alors, à la phase inflammatoire, les pansements et des bains à base d'antiseptiques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque vous ne voyez pas de terrain blanc, c'est-à-dire que c'est juste chaud, enflammé, rouge, vous êtes à la phase d'inflammation, c'est pas encore terminé. Ne vous acharnez pas, il suffit juste de gérer l'inflammation et d'éviter le passage à la infection. Là, des bains antiseptiques, un petit glaçage et tout va rentrer dans l'ordre et vous allez éviter l'évolution à une coagulation, etc. Le problème, c'est que quand vous arrivez à un abcès, finalement, c'est quoi? C'est un abcès sous la peau ou sous l'angle, tout ce que vous voulez. Là, ça pose problème parce que vous savez bien qu'un abcès, c'est un sac fermé à l'intérieur et à l'intérieur. Ne vous attendez jamais à faire guérir un abcès là où il est, hein, quel que soit son siège, avec des antibiotiques. Vous en prenez des kilos, vous ne réglez jamais le problème. Un abcès, c'est un sac fermé qui vous le mettra là. L'évacuer, traitez pas ensuite. D'accord? Qu'il soit petit ou grand, la conduite est la même. Alors, sur un panari, c'est quand même petit, c'est infime, mais lorsqu'il se pilule, il faut le mettre à plat. Le ponctionner et l'écraser, le crever avec un bistouri, on s'en fout, l'essentiel c'est de le mettre à plat. Alors, regardez quand il s'agit. Là, l'ongle, il devient un problème. Alors que, bon, tout à l'heure, on lui chantait ses vertus, on disait que l'ongle, après tout, c'est une défense, parce qu'il ne laisse pas l'infection se propager comme elle veut. Mais quand il s'agit de traitement, ça nous pose problème, parce que le panari, ce sac de pus, il est à côté de l'angle ou il est sous l'angle. Alors là, si c'est sous l'angle, c'est une catastrophe, parce qu'on est obligé de décoller l'angle, crever l'abcès, remettre. Ça aurait été un abcès là, peut-être vous pouvez faire avec votre ongle. Mais un abcès à côté d'un ongle, ça pose problème, parce que l'ongle, il est là, il vous fait quoi, donc vous êtes obligé de décoller la peau, décoller l'angle, crever l'abcès, etc. Pour ne pas en arriver là, il faut reconnaître le panari à son stade d'inflammation et le traiter avec un bain antiseptique et un petit glaçage. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ouais. Sinon, vous serez obligé de le confier à un chirurgien, alors vous êtes quand même le généraliste du coin, vous auriez pu le traiter à un stade inflammatoire. D'accord? Voilà, alors excision large, ça nous ramène pratiquement au bouton de chemise. Bon, ça c'est tout ce qu'il y a à dire par rapport au flegme, par rapport au panari. Là, on passe au flegmon, parce qu'en fait, la partie la plus importante du cours, c'est le flegmon, parce que c'est le plus dramatique sur le plan conséquences et complications. Alors, flegmon, là aussi, je m'arrête, flegmon, ça s'écrit avec PH, et pas avec un F, parce que le flegmon ou flegmatique en français avec un F, ça existe aussi, mais ça veut dire autre chose. Il n'a rien à voir avec le flegmon PH. Donc, retenez que le panari prend un S ne se prononce pas, et retenez aussi que le flegmon ne s'écrit pas avec un F. Alors, déjà, on commence par un signe d'alarme. C'est une urgence. Ça, on ne l'a pas dit pour le moment. Mais là, c'est une urgence. Quand on a affaire à un flegmon de la main, c'est une urgence. Pourquoi? Parce que l'évolution, elle est très rapide, elle ne nous attend pas, premièrement. Deuxièmement, les séquelles, c'est-à-dire, non seulement elle est rapide, quand elle avance, plus elle nous donne des séquelles handicapantes. Et pourquoi pas des séquelles qui peuvent engager le pronostic et fonctionner le bien. On va voir ça par la suite. Il faut savoir qu'il y a deux types de flegmons au niveau de la main. Nous avons les flegmons des gaines, des fléchisseurs, et nous avons les flegmons des espaces cellulaires, et pas cellulaires, cellulaires. On va commencer par les flegmons des gaines synoviales. Alors, pour connaître le flegmon de la gaine ou d'une gaine synoviale, ou d'une gaine des fléchisseurs, on se remet un petit peu au rappel anatomique. La main est là. Où se trouvent ces gaines? C'est quoi ces gaines? Ça sert à quoi ces gaines? Pourquoi ces gaines s'infectent pour nous donner le flegmon? Voilà, c'est des éléments qu'il faut connaître. La main est là, elle est dessinée. Ce qui est dessiné en marron, ce sont les gaines dans lesquelles passent les fléchisseurs. La main est là, nous avons 5 doigts. Chaque doigt, il a 2 fléchisseurs. Un fléchisseur superficiel qui fléchit l'interphalangène proximale et l'autre profond qui fléchit l'interphalangène distale. Ce n'est pas notre dada aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que chaque doigt, il a son paquet de fléchisseurs. Mais ces fléchisseurs ne traversent pas la main comme ça en l'air. Ils traversent la main tout en habillant. Contenu dans une gaine. Cette gaine, c'est de la fibre, ce n'est pas de la polyvrose, ce n'est pas un muscle, ce n'est pas un périoste. C'est de la fibre, elle est assez dure quand même, elle n'est pas expansive. D'accord? Elle a un certain volume à contenir, au-delà, ça risque de péter. Et puis, elle sert à quoi? La gaine du fléchisseur sert à quoi? Premièrement, c'est une protection pour le fléchisseur. C'est-à-dire que si vous avez une blessure au niveau de la main, pour que ça touche le fléchisseur, il faut qu'elle traverse la gaine. Et donc, cette gaine barrière à l'agression. À l'agression, que ce soit une agression mécanique ou une agression infectieuse, hein, même l'infection, c'est-à-dire que pour qu'une infection arrive à l'intérieur de la gaine et touche le tendon, il faut qu'elle ait la force de grignoter cette gaine, de la détruire et passer au bout. Donc déjà, c'est le rôle de la protection. Le deuxième rôle, c'est une gaine qui est fermée. C'est des gaines fermées, hein, d'accord. C'est des gaines fermées avec des deux fils de sang. Ces gaines ne sont pas vides à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a le fléchisseur qui passe, mais ces gaines sont remplies de liquide synovial. Et c'est pour ça qu'on les appelle des gaines synoviales, parce qu'elles contiennent du liquide synovial. Vous allez me dire, que vient faire le liquide synovial dans une gaine? Vous connaissez, vous, le liquide synovial dans les articulations. C'est un peu, lui, la graisse de l'articulation. Mais là, on trouve du liquide synovial dans la gaine. Et c'est la même composition du liquide synovial que vous trouvez dans les articulations. Alors, ce liquide synovial, il sert à deux choses. Premièrement, c'est pour permettre un glissement fluide du tendon fléchisseur, parce que vous faites une flexion et extension 36 000 fois par seconde. Et donc, ce fléchisseur, il a besoin d'être graissé dans ses mouvements de flexion et extension. Premièrement, donc, c'est de fluidifier le mouvement du fléchisseur pour que ça ne craque pas. Deuxièmement, il a un rôle de nutrition, parce que le tendon fléchisseur, il est mal vascularisé, il a de tout petits vaisseaux, il a une nutrition vasculaire par le sang, il a une nutrition par le liquide. Bon, ça, c'est un peu pour vous dire, voilà à quoi sert le lien, et voilà ce que c'est qu'une gaine synoviale qui abrite le fléchisseur. Alors, le point le plus important que vous devez connaître pour le traitement, après, tout à l'heure, le traitement chirurgical, c'est un peu l'anatomie, la disposition de ces gaines. Regardez que ce n'est pas la même chose. Regardez le pouce. Le pouce et le cinquième doigt. Les deux, ils ont des gaines qui vont de la pointe du doigt jusqu'au poignet. Ça s'appelle des gaines digitocarpiennes. C'est-à-dire que c'est des gaines qui se prolongent jusqu'au poignet. Par contre, le deuxième, le troisième et le quatrième doigt, leurs gaines, elles sont toutes courtes, elles ne couvrent que le doigt et on les appelle les gaines digitales. Vous voyez, donc ça c'est important à connaître parce que quand vous prenez votre main, vous allez vous dire que ce doigt-là, il a une gaine ici. Par contre, le pouce, la gaine, elle se prolonge jusqu'au poignet, tout comme le cinquième. Ça c'est important et vous allez voir qu'après, dans le traitement, de l'évacuation, du nettoyage, etc., vous allez revenir à cette anatomie parce que vous devez savoir où commence la gaine, où est-ce qu'elle se termine, c'est-à-dire les deux limites et les deux cul-de-sac. Voilà, ça c'est un petit rappel par rapport aux gaines. Maintenant, on revient à l'infection et à cette histoire de flègement. Il y a deux modes de contamination. Tout à l'heure, pour le panari, on avait dit que c'est une infection primaire et d'accord. Là, on a deux modes de contamination. Il y a l'inoculation directe, qui est une lien rare par rapport au flègement, par rapport au panari. C'est-à-dire que pour se faire une inoculation directe de la gaine, il faut vraiment que la blessure soit profonde et de la peau à la gaine. Et que le germe était sur la pointe de ce qui vous a laissé. Point à la ligne. C'est ça l'inoculation directe. C'est pas évident du tout. La plupart du temps, l'inoculation, l'infection de la gaine, c'est l'infection de la gaine qui s'appelle flegmont de la gaine. Okay? Donc ce flegmont de la gaine, généralement le mode de contamination. Il est indirect, c'est-à-dire que l'infection, elle vient d'ailleurs. Par exemple, le panari. Un panari qui est mal, on a dit tout à l'heure, si ça arrive au tendon, c'est qu'elle a grignoté la gaine, c'est arrivé au tendon, et petit à petit, ça vous a mis de l'infection dans la gaine, et ça vous a donné un flegmont de la gaine par inoculation d'ailleurs. Elle est venue d'autre part. La différence entre les deux modes d'inoculation, lorsque l'inoculation est directe, c'est une catastrophe. L'évolution, c'est en quelque sorte. Par contre, l'inoculation, lorsqu'elle est indirecte, elle est longue. Le temps que vous ayez votre panari qui s'enflamme, qui s'infecte, qui se propage, il commence par l'articulation pour qu'il arrive à la gaine, pour qu'il grignote la gaine, pour qu'il arrive au contenu de la gaine, ça vous prendra 2 semaines. Donc, vous allez commencer à avoir des signes longs, discrets au début, puis après ça s'aggrave, ça vous donne quand même l'élan pour le diagnostic et pour le traitement. L'évolution, elle est longue, donc ça vous donne du temps. L'inoculation directe ne vous donne pas du temps du tout. Alors, le tableau clinique, là, il est plus codifié que le tableau clinique du panari. Vous allez voir, il y a des signes qui ne trompent pas, et c'est des signes que vous devez connaître, parce que ce sont ces signes-là qui vous permettent de dire, là, il y a un flegmont, ou encore, c'est une simple infection. Alors, la douleur, vous allez voir que c'est très particulier. La douleur, elle débute sur la porte d'entrée, parce que là, vous avez le long du trajet de la guêpe. Parce que l'infection, elle n'est pas propagée. L'infection, elle est canalisée. Elle est contenue dans une guêpe, et donc elle a un tunnel, et elle a un trajet bien particulier. Imaginez un flegmont du pouce, de la guêpe du pouce. Donc si le point d'entrée, il est là, la douleur, elle est là, le point d'entrée, elle se trouve jusqu'au poignet, parce que la guêpe, elle va jusqu'au poignet. Si le même flegmont, vous l'avez sur l'index, la douleur s'arrêtera là, parce que la guêpe s'arrêtera. Vous voyez, donc la douleur, déjà, elle vous dessine la gravure. Si vous avez une douleur ici qui va jusque là, c'est pas un flegmont, parce que je sais que la gaine s'arrête là. Il faut que la douleur me dessine la gaine. Ça, c'est la douleur. Elle vous dit, la douleur vous dessine la gaine, elle commence au niveau du point d'entrée et elle va vers la, c'est-à-dire là-bas, on distingue, vers l'autre bout de la gaine. Alors, si on veut examiner pour s'assurer de plus, qu'est-ce qu'on fait? Une douleur rétrograde paradoxale à la palpation du culte de sac proximal. C'est-à-dire, le point d'entrée est là, on va supposer, qu'est-ce que je fais pour m'assurer? Je vais plier, je vais faire une pression sur le culte de sac proximal, le plus loin, pour voir, parce qu'il dit inflammation et infection, il dit qu'il y a un volume en excès, et on a dit tout à l'heure que la gaine aussi est expansive. Il y a de la pression dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute de la pression, j'appuie sur le culte de sac distal, et je me rends compte à ce moment-là que la douleur, elle est paradoxale, elle s'inverse parce que j'ai mis de la pression en bas. Donc vous voyez qu'il y a une douleur, mais il y a un jeu quand même qui vous montre, c'est des indices qui vous disent que cette infection, elle n'est pas banale, elle est particulière, elle est au niveau de la gaine. D'accord? D'autres signes. L'extension passive du doigt, elle peut aggraver la douleur, tout simplement. Voilà, parce que il y a une hyperpression de la gaine. Ça fait mal, c'est une douleur, c'est pas comme le banari, hein, ça fait très très mal. Alors, la douleur c'est l'infection, oui, mais c'est surtout l'hyperpression de la gaine. Donc du coup, sans se rendre compte, le doigt on le met en flexion. C'est la position engagée, parce qu'en mettant le doigt en flexion, on détend la gaine. Et quand on détend la gaine, on supporte mieux l'hyperpression. Quand on met le doigt en extension, ça nous fait plus mal parce qu'on tire sur la gaine qui contient un volume plus qu'il ne faut. Donc, cette attitude contagie vous met le doigt en flexion sans vous rendre compte. Donc, le malade, déjà, quand il vient avec un flexion du doigt. Et ce flexion-là, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est la gaine. Vous essayez de le remettre en extension et c'est la douleur, elle est là, exquise, insupportable. C'est-à-dire que vous avez tendu une gaine qui supporte plus qu'il n'en faut. Vous avez tracté sur un super volume qui fait énormément mal et ça reste un point. En faveur de la gaine. Alors, l'attitude engagée en flexion, on vient de la dire. Ultérieurement, c'est-à-dire si on ne fait rien, ultérieurement, vous allez voir pratiquement une attitude en crochet irréductible. C'est-à-dire que si vous ne traitez pas, surtout pour les infections à inoculation indirecte, que les signes viennent progressivement, etc., à un moment donné, vous avez la position engagée, parce que c'est dans cette position que vous avez la main, doucement, doucement, doucement, vous avez un doigt en crochet. Il s'enrédit dans cette position. Alors, il y a un autre signe, c'est le dernier, et c'est le signe de très mauvais pronostic, mais aussi qui vous signe que c'est un flegmont de la gaine. C'est quoi? C'est ce flegmont-là qui se réduit spontanément d'une seconde à l'autre. Alors que le malade, il était là, il avait le flegmont, vous n'arrivez même pas à mettre le doigt en extension, et puis hop, du coup, le doigt, il se met en extension, et il ne peut plus faire de la flexion. L'infection, elle a atteint le tendon, elle a eu tout le temps de le grignoter, de le bouffer, et les deux tendons ont sauté. Quand les deux tendons sautent, l'attitude en crochet, il n'y a plus de bretelle qui la tient. Même si vous voulez vous mettre comme ça, vous ne pouvez pas, il n'y a plus de fléchisseur. Et puis, ce crochet-là, ce signe pathognomonique, vous ne l'avez plus, vous le perdez d'une seconde à l'autre. Vous ne l'avez pas perdu en fait, parce qu'il est toujours pathognomonique de la gaine. Il vous a donné un signe de très mauvais pronostic pour vous dire que l'infection, elle ne s'excuse. Elle a tout bouffé, ou ce type de fléchisseur, elle a tout bouffé. C'est de très très mauvais pronostic. Ça vous donne une idée sur l'attitude thérapeutique, ce que vous allez voir. On va voir ça dans le traitement tout à l'heure. Voilà, vous voyez que le tableau clinique, il est particulier. Ce n'est pas n'importe quelle douleur. Il y a un trajet qui est bien codifié, il y a des signes cliniques qui sont bien codifiés. Vous devez connaître ça par cœur, comme ça que vous aurez à la consultation une main infectée. Allez examiner dans ce sens-là. Si vous avez ceci, c'est un flegmont. C'est une urgence, il faut l'envoyer à qui le demande. Voilà. Alors, là, on va passer un peu dans la théorie, que je n'aime pas trop, c'est un peu la classification évolutive. Bon, on en parle depuis tout à l'heure, c'est une impression qui évolue, etc. Mais là, ce n'est pas comme le panel, là, c'est des stades d'évolution. Il y a trois stades, stade 1, 2 et 3. Bien sûr, plus on avance dans les stades, plus c'est catastrophique. Et c'est sur ces stades-là qu'on va adopter la thérapie par la suite. Alors, le stade 1, ces stades, c'est une évolution de l'infection. Mais dans ces stades, dans chaque stade, on doit parler de la synoviale, comment elle est faite, de la gaine, comment elle est faite, et du fléchissant, comment elle est faite. Alors, dans le stade 1, c'est le stade de début, en fait, il n'y a pas la grosse infection, c'est le stade qui récupère super bien, pour lequel on n'a pas beaucoup de soucis. C'est le stade où il y a juste une synovite, c'est-à-dire l'inflammation de la synoviale, c'est-à-dire qu'on est en stade inflammatoire, en fait. Il y a une synovite exudative, c'est normal, lorsqu'il y a inflammation, il y a exuda, c'est tout à fait normal, qui distend la gaine, oui, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a inflammation, la synoviale, elle augmente de volume, il y en a un volume fixé, on commence à avoir mal, on commence à faire inflammation du doigt, etc., mais ce n'est pas encore infecté, c'est toujours au stade inflammatoire, on a juste une synovite, ça c'est le stade 1. Alors si on prend cette synoviale et qu'on la voit sous microscope, on va voir des infiltrats inflammatoires, pas plus, hein. Le stade 2, la synovite, et plus une synovite, ça, elle devient pyrulente, c'est-à-dire c'est bon, le stade de l'inflammation finit, on passe à l'infection, la catastrophe est là. C'est-à-dire que la synoviale n'est plus une synoviale, c'est un tendon qui baigne dans du pus. Ok? Parce que c'est bon, la synovite s'est inflammée, maintenant c'est du pus dedans, c'est-à-dire c'est la synoviale qui devient du pus, carrément. Donc c'est une synovite pyrulente, la tête de la synoviale elle est irréversible, c'est ça le drame. C'est que la synoviale, lorsqu'elle est infectée, c'est parti. On la prend, on la jette à la poubelle. C'est bon. On la récupère quand elle est inflammée, au stade 1. Mais dès qu'elle est pilulée, c'est parti. On jette à la poubelle, elle est irrécupérable. Déjà, on rentre dans les catastrophes. Et puis, le tendon, dans le stade 2, il est intact. C'est un stade où la synoviale se pilule, mais le tendon reste intact. Le stade 3, tout est catastrophique. C'est là où on risque d'avoir la réduction du crochet, etc. Parce que l'infection, elle passe au tendon, elle grignote tout, le tendon, elle passe à l'articulation, tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir toutes les complications possibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le passage, surtout dans l'inoculation directe, là, l'évolution speed, si on est clair, l'évolution du stade A au stade 2, du stade 2 au stade 3, on ne sait pas un jour ou deux jours. Vous n'avez pas le temps. C'est une histoire d'heures. Ça nous arrive de recevoir des malades à la garde, parce que c'est une urgence. Quand on les examine, quand on voit, c'est un stade 1, c'est une synovite. Et on y va pour juste un petit traitement de lavage synoviale. Vous allez voir, ce n'est pas un traitement inoffensif, de petites incisions, et on lave la synoviale. Le temps de peut-être attendre les 6 heures de jeûne du malade, parce qu'il vient de manger quelque chose, ou peut-être que le bloc n'est pas vide, on n'a pas eu ça à opérer. C'est histoire de 4 heures, 5 heures, 6 heures. On change d'indication parce que dans les 6 heures, le malade est passé d'un stade 2 à un stade 3. Vous voyez, quand on commence à laver la synoviale, on a du pus et c'est parti. Donc vous voyez que c'est une évolution qui est hyper rapide et c'est pour ça qu'on appelle urgence médico-chirurgique. Voilà. Alors, l'évolution complication, je crois qu'on en a parlé, le diagnostic à temps et traitement à temps, l'évolution elle est favorable, quand on dit à temps, c'est-à-dire dans le stade 1, hein, parce qu'à partir du stade 2, l'évolution, quand vous enlevez une synoviale ou la jetez à la poubelle, même si le tendon est bien conservé, mais sans synoviale, c'est pas évident. Hein, vous allez récupérer votre doigt, mais sans synoviale, c'est un tendon qui va craquer à toute flexion et extension, qui va s'embêter peut-être, qui restera des douleurs, il restera. Donc une récupération à 100% au stade 2, il ne faut pas rêver. La récupération excellente, elle est au stade A. C'est juste où il y a une inflammation qu'on va pouvoir laver, mettre son antibiotique anti-inflammatoire et on règle le problème. Maintenant, si le diagnostic n'est pas posé à temps, s'il est tardif, là, peut-être un traitement inadéquat, c'est un flegmont et on est en train de traiter avec des antibiotiques par voie orale, par voie injectable, n'importe quoi, alors que les choses sont en train d'évoluer dans une boîte fermée, là, c'est un traitement inadéquat, même si on a commencé au stade inflammatoire, mais on est passé à côté du diagnostic. Parce que le flegmont, c'est une urgence chirurgicale. Même le stade 1, il se traite chirurgicalement. D'accord? C'est pas comme le panel. Le stade 1, vous allez voir qu'il se traite chirurgicalement. Donc, si vous passez à côté du diagnostic, même si vous reconnaissez le flegmont à une heure après son inoculation, si vous ne reconnaissez pas que c'est un flegmont, vous allez passer à côté parce que vous allez traiter médicalement. Vous allez donner des tonnes d'antibiotiques, mais le flegme évoluera quand même. D'accord, c'est pour ça qu'on dit un diagnostic tardif ou un traitement inadéquat. Les deux évoluent ou vont vers une catastrophe. Voilà, donc si on a ça, on a des complications. Alors, les complications, bon, c'est un flegme. L'infection, elle est déjà là. Elle est déjà dans la, dans la guêpe. Donc, la ténosynovite diffuse, c'est-à-dire au niveau du pouce, au niveau du cinquième, elle est juste là, on regarde la phalange, elle prend par toute la gaine, elle va jusqu'au poignet. L'ostéite ou l'ostéoarthrite, parce qu'au-delà du tendon, etc., elle va vers l'articulation. Elle se propage l'infection, elle détruit, elle passe. Hein, d'accord, il n'y a pas de, stade. La nécrose tendineuse, la nécrose du doigt, pourquoi pas, parce que l'infection, quand elle bouffe le tendon, elle bouffe les vaisseaux et les nerfs, hein, d'accord, c'est clair. Comme ce sont de petites pédicules, ça les thrombose et ça les bouffe, et du coup, vous avez une nécrose du doigt. Et la grande catastrophe, c'est la facilite nécrosante, c'est notre hantise. Parce que le flegmon évolue souvent lorsqu'il est méconnu ou non traité, le petit flegmon ne vient du tout, il évolue vers la nécrose, la facilite nécrosante. Regardez ce que c'est qu'une facilite nécrosante. C'est-à-dire, c'est la nécrose. La nécrose, c'est la mort. Un tissu nécrosé, il est mortifié, c'est ajouté à la poubelle, c'est clair, il n'y a plus rien à tirer. Alors, vous avez la nécrose de la peau, de la soucoupe, de la graisse, et même des éléments sous-jacents, peut-être la ponéphrose, pourquoi pas, parce que si vous avez la nécrose de tout ça, il reste quoi? Qu'est-ce que vous allez conserver de l'os? Et vous allez essayer de greffer tout ça? C'est pas possible. Et bien sûr, ça vous donne un syndrome infectieux énorme, parce que l'infection, c'est du pus. Imaginez tout le membre qui est pilulé, il est comme ça. Regardez, ça c'est, peut-être ça a commencé au niveau de la main, regardez, ça prend tout le membre, c'est un membre cartonné, si vous envoyez une aiguille, vous avez un jet d'eau, d'accord, c'est un sac rempli d'eau, et là vous n'avez aucune distinction entre muscle aponéphrose, etc. D'ailleurs, quand on a des malades comme ça, quand on a des facilités nécrosantes comme ça, on ne s'amuse pas, on n'en plus tard, on vous observe. Parce que non seulement c'est le pronostic fonctionnel, c'est un membre qui ne sert plus à rien, il vaut mieux le jeter. Parce que si vous le laissez comme ça, vous allez rentrer dans un syndrome, vous êtes malade, il peut faire un choc septique, il peut faire un trouble électrolytique, une insuffisance rénale. Ce n'est plus le membre qui nous intéresse, mais c'est le pronostic vital. Et facilite nécrosante tue. Hein. Surtout s'il s'agit d'une facilite qui s'étend jusqu'à la racine du membre. Parce que l'amputation, elle nous donne une solution salvatrice pour le pronostic vital. Mais attendez, l'amputation, là peut-être, si on arrive là, on désarticule. Mais si la facilite, elle est au niveau, du coup, vous allez perdre. Vous allez laisser le membre et attendre. Il n'y a plus rien à faire. Donc même l'amputation, qui est un geste, supprimatif, même ce geste-là, vous pouvez ne pas avoir la chance de le faire. Si l'évolution se fait vers la racine du membre, c'est parti. Même si vous amputez, l'infection, elle est là, c'est bon. Elle a dépassé les limites de vos amputations et vos désarticulations. Donc voilà, l'évolution, elle est dramatique d'un petit bout de rien du tout. Vous pouvez engager le pronostic vital du malade. Alors, la conduite thérapeutique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on a compris jusque-là, c'est d'abord de reconnaître le flegme. On ne va pas passer à côté. On ne vous demande pas, à vos futurs généralistes, de traiter le flegme. À côté, reconnaissez et envoyez. C'est tout. Parce que si vous passez à côté, c'est parti, parce que vous allez induire le malade en erreur en prescrivant de l'antibiothérapie et peut-être au bout d'une semaine, il se retrouve avec une facilité nécrosante, c'est parti pour lui. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, ce qu'on vous demande à vous, c'est de diagnostiquer. Maintenant, vous devez savoir ce que vous faites sur le plan chirurgical, peut-être vous serez chirurgien par la suite, pourquoi pas, vous allez avoir une idée de ce qui doit se faire. Alors, le traitement, il est toujours chirurgical. Regardez, l'urgence, toujours chirurgicale. Là où j'insiste, ce sont ces questions qui ressortent dans les QCM. Alors, les antibiotiques seuls sont incapables de pénétrer dans la gaine. Ça, c'est clair, on l'a déjà dit. Bon, on prendra le relais après avoir traité, nettoyé chirurgicalement et tout. On fera, bien sûr, un antibiogramme, tout ce que vous voulez. On adoptera une bonne antibiothérapie ciblée, etc. Mais traiter sous antibiotique seul, ça n'existe pas. Ça ne réglera pas, jamais dire, le problème. Le traitement, il diffère selon les stades évolutifs. Maintenant, on va revenir à la stadification. On a dit stade A, c'est tout simplement synovial inflammatoire. Le stade 2, la synoviale devient violente. Le stade 3, c'est le cas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait à un stade A? On a juste une synovie. On connaît l'anatomie. À la peine, la vague. elle sait que cette gaine-là, elle contient une synoviale inflammatoire. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il faut aller nettoyer cette synoviale pour éviter l'infection, faire passer du sérum, un antiseptique, pourquoi pas un antibiotique local, et bien sûr faire un prélèvement, faire un antibiogramme, laver, nettoyer, laisser ouvert pour évacuer, c'est-à-dire ouvrir la boîte fermée. Il n'y a pas pire chose qu'une infection fermée. Quand on l'ouvre, on est à l'abri. Il faut évacuer. Donc on laisse ouvert cette gaine, on coupe ce cercle. Et puis on adopte une antibiothérapie, on a déjà lavé, etc. On peut sauver le maximum de choses. Alors, regardez le schéma, il est plus explicite. Alors, on va prendre un doigt, c'est plus simple de prendre un doigt où la gaine est courte, comme exemple. Alors, on sait très bien qu'il y a un cul-de-sac ici, un cul-de-sac là. On y va, on incise ici, on incise là. Regardez les incisions. On incise, la peau, la soucoupe, etc. Arrivé à la gaine. On ouvre la gaine en haut et on ouvre la gaine en bas. Donc, regardez cet étui, on l'a ouvert en haut et en bas sans ouvrir le doigt. Vous avez deux petites incisions là et là. On fait passer une canule. Regardez, il y a la canule et la seringue. On fait passer une canule dans la gaine. Quand on est dans la gaine ou dans la synoviale, on fait d'abord un prélèvement avant de faire passer quoi que ce soit. Prélèvement qui passe à la bactérie ou isoler le germe et faire un petit peu de gras. Et puis on démarre, on lave le sérum, un antiseptique, pourquoi pas un antibiotique, on lave bien cette synoviale et on laisse ouvert. Et après, on prend le relais par une antibiothérapie, bien sûr, une rééducation, etc. Bon, ça, c'est après les suites. Ça, c'est ce qu'on fait au stade 1. Vous voyez que même au stade 1, le traitement est changé. Ça ne peut pas être un traitement médical. Les antibiotiques viendront après. Il faut d'abord ouvrir la boîte, évacuer ce qu'il y a à évacuer, nettoyer, traiter à l'antibiotique. Alors, quand on est au stade 2, déjà, c'est une synoviale à enlever parce qu'elle devient dangereuse. C'est du plus, c'est plus une synoviale à l'antique, c'est un tendon qui baigne dans tout. Donc, déjà, on ne parle plus de petites incisions. Là, maintenant, il faut ouvrir toute la gaine et racler cette synoviale, la jeter à la poubelle, bien nettoyer, pour conserver le tendon au moins et pouvoir fermer la gaine dessus. Ce sera un tendon sur cette gaine. Voilà. Et puis le stade 3, là, on est de plus en plus large dans l'incision parce qu'on sait que le bilan lésionnel est le plus important. Ça ne va pas s'arrêter à une synoviale qu'on va curter, qu'on va jeter à la poubelle, mais on va avoir beaucoup de dégâts qu'il va falloir régler. Donc on s'agrandit, on fait de grosses incisions, on met le doigt à plat pratiquement, on ouvre la gaine, on explore et on sort. Et on a bien sûr un objectif, c'est de supprimer, d'enlever et de jeter à la poubelle tout ce qui est infecté, tout ce qui est détérioré. On s'en fout de la fonction parce qu'on sait pertinemment que si je laisse un bout de tendon infecté, il maintiendra l'infection et ça va évoluer, l'évolution du package d'autres hatsumadois, etc. Donc je suis supprimatif. J'enlève tout ce qui est infecté et tout ce qui peut entretenir l'infection. Je jette à la poubelle, je fais abstraction de la fonction du doigt. Je m'en fous. Mon objectif, il est clair. J'assèche l'infection. Je sors de là d'abord. Et puis, j'aurai 36 000 artifices thérapeutiques pour récupérer quoi que ce soit. On va supposer que tout est infecté, même le tendon. J'enlève la gaine, j'enlève la synoviale, j'enlève le tendon, je jette à la poubelle. Même les rhinopharyngosquelettes pharyngiens, je m'en fous. J'assèche l'infection, j'aurai un doigt propre sans aucune infection, puis après, sur un site clean, là, je pourrais faire une greffe dentineuse, je pouvais greffer et reconstruire une gaine, je pourrais redonner à ce doigt ne serait-ce que 50% de sa flexion expulsion, j'aurais sauvé le doigt, mieux que de laisser un petit bout qui aurait certainement évolué vers une facilité nécrosante et j'aurais amputé le bras, au coude ou encore à l'œil. Donc voilà un peu la stratégie. Vous voyez comment les interventions se compliquent avec les stades. Le stade 1, ce n'est pas comme le stade 3. Autant on conserve au stade 1, autant on devient supprimatif au stade 3. Les objectifs diffèrent, changent, etc., etc. Voilà. Bon, ça, c'était les flegments des gaines. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a deux types de flegments. Il y a les flegments des gaines qui sont les plus dangereux. Hein. Entre nous, c'est un peu le paquet du tout. Hein. Là, maintenant, on va parler des flegments, mais c'est les flegments des espaces cellules. Alors, on est toujours au niveau de la main. Alors, c'est quoi cette histoire des espaces cellules? Mis à part les gaines et les tendons qui passent, on a des espaces. On a l'hymen sténar, on a l'hymen sténar, là où il y a les muscles intrinsèques de la main. Là, on a les espaces intermétacarpiens, on a les commissures. ce sont des espaces en dehors des gaines, parce qu'en fait, la main, il n'y a pas de gaine. Il y a le squelette, il y a les muscles, il y a les vaisseaux, les nerfs, tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'elle ne comporte pas beaucoup d'éléments anatomiques, mais mis à part les flèches, mis à part les gaines, on a d'autres espaces. Ça s'appelle les espaces cellules. Alors, si ces espaces sont infectés, il va y avoir des flèches. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ce sont des espaces ouverts. Ils ne sont pas fermés, ce n'est pas une gaine. Mais la main, elle est petite. Si je suis sur l'éminence qu'elle a, elle est ouverte, oui, mais elle est limitée, mine de rien. Donc, après tout, je ne suis pas sur un espace comme la cuisse ou la jambe. D'accord, il est ouvert, mais il est petit. Et c'est pour ça que lorsque l'infection, elle est là, une petite infection, elle peut facilement vous donner un drame symptomatique, j'allais dire. Donc voilà, il faut d'abord reconnaître c'est quoi ces espaces cellules. C'est-à-dire que cette blessure, si elle rate la gaine, elle est à côté de la gaine, elle ne vous donnera pas un flegment de la gaine, mais elle vous donnera quand même un flegment de l'espace cellule. Alors, le diagnostic, il est clinique. Alors, regardez les schémas, ils sont très expressifs. Si vous avez au niveau de la commissure, peut-être que vous allez l'avoir au niveau de l'éminence ténard, ou en plein milieu de la bande de la main, l'éminence hypoténard. Là où vous avez le flegment, vous allez avoir un enflement, une rougeur et une douleur. C'est très expressif. Mais avec une symptomatologie quand même assez gentille par rapport à la symptomatologie d'inflammation de la gaine. Pourquoi? Parce qu'il y a de la pression en plus, parce qu'il y a un tendon qui passe, il y a une flexion, une expansion. Par contre, les espaces cellulaires, il n'y a pas une unité fonctionnelle qui passe par là. Donc c'est juste une douleur, pas plus. Mais quand on était sur une gaine, la gaine elle est inflammée, dès que vous bougez le doigt, il y a une douleur. Du coup, vous avez une impotence fonctionnelle du doigt, vous pouvez plus faire d'extension. Donc, le tableau clinique, il est riche. Mais là, sur des espaces cellulaires, non, vous avez une douleur locale, vous avez un enflement, vous avez une bouchure. Donc, quand vous avez un tableau comme ça, vous posez la question. Ah, il ne faut pas que je passe à côté d'un flegment. Je vois la symptomatologie, non, ce n'est pas une symptomatologie d'un flegment, de gaine. Ce n'est pas l'urgence, c'est un flegment de l'espace cellulaire. L'urgence n'est pas aussi extrême. D'accord, ça peut quand même me donner un petit élan, je peux peut-être tenter un traitement médical. Pourquoi? Parce que je ne serai pas dans une poche fermée et je ne risque pas une détérioration des éléments fonctionnels. Alors, la localisation possible, on en a parlé, les commissions, les éminences, etc. Alors, l'évolution de l'infection, là, elle est superposable au panari. Vous voyez que c'est différent. Parce que le panari aussi, il n'était pas dans une zone close, il était dans une zone ouverte. Donc l'évolution des choses, c'est la même chose, c'est-à-dire inoculation, intervention, régulation. D'accord? Alors que les stades évolutifs du flegment de la gaine, c'était différent. C'était les trois stades, chaque stade, il était bien codifié, voilà, ah, où je serai plus stade 1, plus stade 2, plus stade 3, etc. Là, l'évolution, elle est superposable à l'évolution du panari. Alors le traitement, regardez, antibiothérapie par voie générale, c'est-à-dire tout à fait au début, quand vous avez un point d'impact, une petite plaie avec une rougeur, mettez sous antibiotiques, ça va régresser. Maintenant, si les choses évoluent vers un gros abcès, dès qu'il y a abcès, ça devient chirurgical, c'est très clair. Parce que s'il n'y a pas abcès sur un espace cellulaire, il est couvert, il n'y a pas de souci, je mets des antibiotiques, il est vascularisé, ça va arriver à travers les vaisseaux, à travers la nutrition sanguine, et l'antibiotique fera son affaire. Mais s'il y a un abcès, c'est-à-dire le sac il est là, il est fermé, il y a du pus dedans, c'est parti, mes antibiotiques ne feront rien, je vais les donner en adjuvant, mais je dois aller exciser ce sac, mettre à plat, évacuer le pus et faire mon prélèvement et adapter mon antibiothérapie. Donc voilà, dans l'espace cellulaire, le flegment arrive au traitement chirurgical au stade de pilulation. On revient au stade, on a dit inoculation, inflammation, pilulation. Inoculation, inflammation, je traite en voie générale, antibiothérapie normale, normalement du moins. Si j'arrive à l'abcédation, c'est parti, ça devient chirurgical. Même la chirurgie, elle n'est pas, c'est pas une chirurgie, c'est pas une grande chirurgie et c'est pas une chirurgie supprimative parce que je vais rien supprimer. Je vais ouvrir, évacuer l'abcès, faire un prélèvement et c'est tout. Voilà, nettoyer, pas plus. C'est pas comme la chirurgie du flegment, c'est du flegment de la gaine, c'est différent. Alors, la seule chose qui me pose problème dans la chirurgie des espaces cellulaires, c'est quand on ouvre chirurgicalement, on évacue l'abcès, c'est les adhérences. C'est ça. Pourquoi on aimerait toujours traiter médicalement les espaces cellulaires? Parce que lorsqu'on touche au bistouri, on guérit, on assèche tout ce que vous voulez, on met un plat, oui, on est tout content. Mais après, c'est les signes chimiques. La fibrose, elle fait que tous les muscles, et vous allez avoir des rétractions ici, des rétractions par rétracte, tous les muscles se rétractent et vous allez avoir une rétraction à la mobilité des doigts. Et ce n'est pas du tout intéressant. C'est-à-dire que la gravité, c'est un peu dans les séquelles de la chirurgie et non pas dans le flèchement lui-même. Raison pour laquelle on se dit, dès qu'on touche un espace cellulaire au bistouri, il faut avoir un rééducateur à côté. Le lendemain, il commence la rééducation pour que la cicatrisation de tous les éléments, elle se fait en perpétuel mouvement. Et quand la cicatrisation se fait en perpétuel mouvement, c'est ça le rôle de la rééducation, il n'y aura pas d'appelement, il n'y aura pas de cirurgie. D'abord, si vous voulez qu'une cicatrice ne se rétracte pas, si vous voulez qu'un espace ne se rétracte pas à la cicatrisation, il faut que cette cicatrisation se passe en perpétuel mouvement. Donc la rééducation, là, elle intervient super bien. Voilà, alors de tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? On était sur un flegmont de rien du tout, qui peut-être évolue vers, on était sur un bel ami, un petit bobo de rien du tout, qui peut-être évolue vers un flegmont. Si on méconnaît, on passe facilement à une fasciite nécrosante. Et vous voyez déjà, une fasciite nécrosante qui passe à l'épaule, c'est ce que je disais tout à l'heure, la fasciite, elle est là. Ça ne sert à rien d'amputer, parce que c'est bon, elle a dépassé la limite de la désarticulation, c'est là. Elle est au cou, c'est parti. Là, voilà, vous la voyez, elle a du déventilé, elle est dans les mains, elle est en train de partir. Vous voyez que ça passe d'un petit bobo à un pronostic vital totalement engagé. Voilà en gros ce qu'il faut retenir. Et bien sûr, pour ne pas en arriver là, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de reconnaître, de poser le bon diagnostic et d'orienter au patient. Voilà.